de bise, de points, sur album, point de vue, différents avis, surtout quand ils ont trop bu. Parle de toi, parle de loi, le plus vite qu'ils ne parlent, te montre du doigt. Moi, je danse, balance, mon flow posé, déposé à la sas, c'est mon saut, je viens imposer. Pour tous ceux qui veulent m'inviter dans cette soirée, je suis déjà bon. Gigolo pense, je t'amonnais, balance tous tes billets, je t'amonnais, je suis déjà dépouillé. À peine la porte franchie d'une de ces boîtes de nuit, dragueur saoul, et déjà je m'ennuie. La musique des hits, des tubes cathodiques, c'est dans toutes ces deux boîtes que la censure s'applique. Où trouver un endroit où les ayants droit auraient le droit de faire leur propre choix. Écoutez le son qui se balance à la maison, parce qu'ici je suis déjà bon. De coin, de quartier, quel que soit l'endroit, une musique pour chirer. Les gens s'en foutent, ça ne fait aucun doute. Vivent d'apparence, de mensonges, de doutes. Se servent des soirées, ont l'impression d'exister. Et ne savent pas que je sais, que tu sais qu'ils nous ont bluffés. Tu me vois dans ces soirées. Dis-moi.